car j'articulais mal quand je parlais et que j'avais peur de dire une mauvaise réponse. J'avais l'impression d'être rien comparé à ceux qui se moquaient de moi. Je me sens seule et sans amis. Et mes parents m'ont encore oubliée à l'école, donc je dois rentrer seule. Sur le chemin, je me suis interrogée moi-même. Pourquoi je n'ai pas d'amis? Pourquoi mes parents m'oublient toujours? Peut-être ils sont occupés, ou peut-être pour eux je suis aussi belle. Pourquoi je n'arrive pas à communiquer? Pourquoi, je ne sais pas. Mardi 2 octobre 2022, Emma Pesquet est venue devant la 3e 2 du collège Marie Curie pour raconter l'autisme de son frère et comment elle l'avait vécu. Ce spectacle a été suivi d'un court débat juste après. Bah, la plupart c'est l'éducation, mais il y en a, c'est pas forcément ça. Il y en a, ils s'en rendent compte parce qu'on leur a fait ce qu'eux, avant, ils faisaient et du coup, ils se sont rendus compte. Voilà, exactement. Donner une valeur à tout le monde, c'est ça, respecter les gens, je sais pas. Faudrait que tout le monde soit tous ensemble, unis. Si on crée des groupes, ce serait bien qu'ils soient déjà mixtes et qu'il n'y a personne à part. Tout le monde se sente bien lui-même. S'il veut rejoindre un groupe, bah, pourquoi pas rajouter un cerveau de plus dans un groupe? Ça ne changerait rien. La normalité, choses comme ça, on avait admis que c'était un concept qui n'existait pas. En gros, il n'y a pas de normes. On est tous un peu différents et c'est normal. Après, c'est quand il y a une majorité qui fait quelque chose, la minorité va forcément se dire que c'est normal ce qu'ils font, vu qu'ils sont plus nombreux à se dire que c'est normal. Donc la normalité, c'est un idéal, du coup? Ouais. Une sorte de but à atteindre. On est tous différents les uns des autres, mais on doit tous se compléter. Il faut toujours persévérer pour avoir ce qu'on veut. Si on s'arrête à un endroit, bah on sera pas fier de soi. Il n'y a pas de personne normale pour moi. On est tous différents les uns des autres. Personne n'est pareil que l'autre. Tu es obligé d'être différent. La vraie force de l'homme, c'est d'évoluer par soi-même. La tolérance. Moi, il y a des choses que je tolère pas. Moi, je tolère pas l'hypocrisie, le mensonge. Faut être tolérant. Moi, faut être tolérant. Faut être toujours tolérant avec les autres personnes. Tolérant, ne pas être raciste. Ouais, faut pas être raciste. Faut accepter les autres. Tu comprends les autres. T'es pas toujours à l'encontre. Tu peux les aider. T'es pas toujours à l'encontre, tu supportes. Tu t'endures un peu, mais c'est facile. Enfin, ça se fait avec le temps. C'est plus facile pour d'autres que... Lundi 10 octobre, nous avons commencé par une activité collective pour nous dire bonjour. Par la suite, nous avons exprimé une phrase de Babouyek. Cerveau soprano, du déliement de la langue. Pas de bol butiment, pas de corps rampant. Une forme de désobéissance aux règles de survie. Aux limites d'embarquement dans les wagons du voyage social. Alors j'ai embarqué dans ma propre matière des... Quels sont les ressentis en fonction de l'âge face à la différence, que ce soit la sienne ou celle des autres? Et j'aimerais bien votre avis sur cette question. Par exemple, en primaire, on va pas dire qu'on peut insulter facilement les personnes différentes, mais... Quand même. Soit ça s'empire quand on rentre au collège, soit ça s'améliore. Ça dépend les personnes. Il y en a qui s'en rendent compte et il y en a qui... Ouais, il y a des personnes matures, par exemple. Voilà, exactement. Alors qu'il y en a, ils se disent encore plus. Quand on est petit, on ne prend rien pour... On est inconscient. Pour quelque chose de très grave. Et plus on vieillit, plus on prend du recul. En fait, ils te disent ce qu'ils pensent, ils ne mentent pas. Donc du coup, ça peut être très blessant. Parce qu'ils ne cachent pas leurs sentiments. Du coup, ils éprouvent de la colère à l'égard de quelqu'un. Ils le montrent. Quand ils rejettent quelqu'un, ça se sent. Enfin, quand on était petit, en primaire et en maternelle, on se rendait pas trop compte de la différence. C'est plutôt quand on arrive au collège qu'on voit qu'il y a des gens qui sont différents ou que même nous, on est différents des autres. On n'avait pas encore compris le concept de différence, en gros. Mais bon, après, quand on devient grand, on se fait une idée soi-même et c'est pas toujours pour le mieux. Malheureusement, j'ai été harcelée justement par une bande qui a été créée. Et chaque jour, chaque soir, ils m'attrapaient dans le cours, ils me frappaient. Les profs et les surveillants, ils disaient rien. Parce que dès que je me défendais, dès qu'il était à terre, l'animateur, il venait, du coup, c'est moi qui prenais. Du coup, pour rien, plus rien prendre, je me laissais faire. Et un jour, j'ai pas pu parler à ma famille de ça. Ils m'ont vu, j'avais des bleus partout. Et puis après, mon frère est venu à expliquer la pression pour dire qu'il fallait plus faire ça. Et malheureusement, le lendemain, ça. C'est malheureux comment je m'en suis sortie, mais j'ai appris à me battre. Et entre guillemets, j'ai trouvé des amis de confiance. Donc c'est-à-dire, je me suis fait une bande et malheureusement, on s'est battu. Il y en a qui ne prennent pas du recul en fait, qui se limitent juste aux apparences et donc du coup la différence, ils jugent. De CP à CE2, j'avais pas compris pourquoi ils faisaient des bêtises, je sais pas comment expliquer. Je comprenais pas, mais j'ai dit mais c'est pas bien, j'expliquais. Mais ils s'en foutaient complètement, ils s'en foutaient de moi, donc ça commence à m'énerver. Je me suis même énervé contre eux à un moment parce qu'ils ne m'écoutaient pas. Après, en CM1, j'ai compris qu'ils avaient un petit problème. Mais pas comme, ils n'étaient pas comme nous. Je me suis posé la question, pourquoi ils sont si peu à faire ça? Pourquoi ils étaient peu dans les classes? Pourquoi ils restent entre eux? Je me suis posé cette question-là. Ouais. J'avais pas compris pourquoi toujours. Et c'est à partir de la CM2, dont une prof, maintenant, en ce moment même, qui s'occupe des autistes. Et du coup, en fait, elle m'a expliqué, de base, je voulais travailler dans une classe d'autistes pour mieux qui aille mieux, des choses comme ça. J'ai compris facilement que c'était pas comme nous, c'était des différents. Elle m'a expliqué du coup qu'ils étaient autistes. Après j'ai demandé à mon père, tu sais ce que ça voulait dire autiste. Ils m'ont expliqué et du coup après ça m'a intéressé pourquoi ils avaient ce problème là. Je m'en rappelle très bien, c'était sur l'ordinateur de mon père, je regardais ça. Parce que c'est avec elle dont j'ai eu vraiment les meilleurs souvenirs. Où vraiment elle explique parfaitement des choses comme ça. Et à un moment, il y a eu des autistes qui sont venus dans notre classe, qui ont essayé d'expliquer, je me rappelle très bien. C'est pas passé comme prévu, mais au moins j'ai compris facilement. Après, je me suis posé la question à la fin des cours. Parce qu'en fait, ils pensaient qu'on allait se moquer juste après, qu'on allait dire aux autres. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont préféré garder ce crèche pour pas se moquer d'eux, des troubles mentaux. Après, c'est comment on l'appréhende cette différence? Parce qu'il y en a qui. Il y en a qui n'auront rien à faire, mais d'autres qui seront plus agressifs. Moi, entre guillemets, je préférais savoir au plus vite, dans le sens où parce que malheureusement, il y a un autiste dans la cour, j'étais assis par terre, je l'en veux pas, c'est pas de sa faute, mais il m'a mis un coup de pied à la mâchoire. Bon, ça m'a fait mal, mais c'est pas de sa faute, quoi, il contrôlait pas. Que tout le monde donne son avis sur tout, même avec, Internet et les réseaux sociaux, tout le monde peut donner son avis. Et que du coup, ça ouvre des portes pour critiquer les autres et pour donner son avis sur quelque chose qui les concerne pas. Donc je pense aussi qu'à force d'avoir ça, et ça renforce les sentiments de certains qui trouvent qu'ils sont différents et tout. Faut assumer les différences. Ça, c'est pas facile à dire. Tout ça, c'est être différent. Parce qu'en fait... je peux aimer, Samy peut pas aimer. Ouais. Imaginons, je peux être patient, Yussi je peux pas être patient, donc tout ça, tu peux pas être tout ça en même temps. C'est vraiment impossible, tu peux pas. Sinon, ce serait être parfait et aucune créature sur la terre est parfaite. Moi je dis la vraie force de l'homme, c'est d'évoluer par soi-même. Et aussi que tous ces mots, faut les utiliser pour grandir dans la vie d'adulte et dans la société. Après, je pense après le projet, il y aura beaucoup moins de personnes exclues parce que déjà le fait qu'on ait des groupes. Déjà, moi, au début de l'année, Anna et J, je leur parlais pas, maintenant ça va être plus fluide. Ça va être plus facile. Typiquement, le projet CAC de l'année dernière, avant la classe, c'était des groupes. À la fin, c'était un groupe. Si il y a un mot qui vous vient, dites-le, on verra bien s'il y est ou pas. Chacun des différences, chacun sa particularité. Personne n'est parfait. Ne pas juger. Il n'y a pas de normalité. Soyez vous-même. La normalité est décidée par les critères de la société. On est tous hors normes. Acceptez la différence. C'est normal d'être différent. Le jugement est interdit. Je suis différent, tu es différent. C'était la 3ème 2. Bonne journée.